La délégation de l'Assemblée populaire suprême, conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères, Pang Myung-gu, député à l'Assemblée populaire suprême, a quitté le 24 Pyongyang par avion pour participer à la 9e Assemblée générale de l'Assemblée parlementaire d'Asie, prévue au Cambodge.